Chapitre 49e. Hélène et Demian, escortés par Madame Moutine, étaient rentrés sans avoir échangé une parole. Chacun sentait qu'un peu de repos et de réflexion était nécessaire pour permettre d'envisager sainement la situation nouvelle que le jeune artiste venait de créer d'un seul mot. Sur le seuil de leur chambre, ils échangèrent un bonsoir, sans même l'accompagner de la poignée de main habituelle, et se séparèrent sur le champ. Victor accueillit son frère par deux ou trois questions banales. Il ne l'attendait pas si tôt. Comment la soirée s'était-elle passée ? « Très bien, » répondit Demian d'un air préoccupé. « Le prince a eu une attaque et la princesse nous a congédiés. » Victor le regarda deux fois pour s'assurer qu'il ne plaisantait pas. Mais le jeune violoniste n'avait pas l'air de vouloir le mystifier. « Au nom du ciel, mon frère, qu'est-il arrivé ?» s'écria le brave garçon en mettant la main sur l'épaule de Demian et en cherchant à lire sur son visage. « Il y a que j'épouse la petite Hélène, » dit l'artiste d'un air sombre. Le pauvre bossu retira sa main, regarda son frère et avec un étonnement profond, puis soudain, un cri jaillit de son cœur oppressé. « Toi, Demian ? Ah, que je suis content, que je suis content !» Il était si content qu'il alla se jeter sur son lit et se cacha la figure dans l'oreiller en sanglotant. « Voilà l'effet que cette nouvelle te produit, » gronda Demian, moins fâché que surpris. Victor se releva, essuya son visage, étendit les bras à son frère en lui disant « Excuse-moi, c'est la joie. » « Une drôle de joie, » fit Demian, en se prêtant à l'accolade fraternelle, mais sans enthousiasme. Les deux frères s'assirent en face l'un de l'autre et s'entre-regardèrent pendant un instant. « Et elle ?» hasarda Victor. « Qu'est-ce qu'elle dit ?»« Qui, elle ?»« Hélène, ma sœur Hélène. » « Ta sœur Hélène ne dit rien du tout. »« Comment, rien ? Elle n'est pas contente ?»« Je suppose que si, » répondit Demian avec un léger sourire de fatuité. Et il croyait certainement que la petite Hélène était contente. Cependant, il trouvait étrange qu'elle n'eût rien dit pendant leur trajet de retour, mais lui-même n'avait pas ouvert la bouche. « Je ne comprends pas, » fit Victor avec hésitation. « Comment se fait-il que tu ne saches pas ce qu'elle pense ?»« Nous n'étions pas seuls, » répondit Demian, non sans répugnance, car le récit de ce qui s'était passé là-bas lui paraissait difficile à faire. « C'est donc chez la princesse ?»« Oui. » »« Devant le monde ?»« Mon Dieu ! Que de questions ?» fit Demian, impatienté. En toute autre circonstance, Victor, le voyant mal disposé, eut cessé de le questionner et eut attendu le lendemain qu'il ne pouvait manquer de lui fournir l'explication désirée. Mais le bonheur d'Hélène lui tenait trop à cœur et il poursuivit. « La princesse le sait ? » demanda-t-il, touchant le point douloureux avec une précision qui fit tressaillir Demian. « Oui. Alors ?» reprit Victor avec une émotion croissante, où cette fois la joie entrait pour quelque chose. « Tu es brouillé avec la princesse ?»« Oui !» cria presque Demian furieux. « Et maintenant, en sais-tu assez ?»« Ah, mon frère, que je suis content !» s'écria le bon garçon, cette fois du fond du cœur et sans restriction. Il saisit son frère dans ses bras, avec une effusion joyeuse, et tout à coup, levant la main, il fit sur sa tête rebelle le signe de la croix. « Au nom de notre Père absent, Demian, je te bénis dans ta vie nouvelle, » dit-il gravement. L'artiste courba le front tout à coup et resta incliné sous la main de son aîné. L'image du père de famille venait de se dresser entre eux, rappelant le foyer domestique et le devoir filial. « Écoute-moi, Victor, » dit le jeune homme d'une voix plus calme, « je vais te raconter ce qui est arrivé ce soir et tu me diras si j'ai bien fait. » Résolu à cette confession, il la fit honnêtement, scrupuleusement, sans rien retrancher ni ajouter à la vérité, et quand il eut terminé, il attendit en silence ce que son aîné allait lui dire. « Hélène n'a pas répondu à ta demande ?» fit celui-ci d'un ton de doute. « Non, qu'était-il besoin de répondre ?»« Eh bien, frère, je ne suis pas sûr qu'elle accepte. » Demian se leva en sursaut. « Et pourquoi ? » commençait-il. Son frère l'arrêta du geste en indiquant la porte du salon, qui seule séparait leur chambre de celle de leur voisine. « Parce qu'elle a pu comprendre que tu ne l'épouserais pas pour elle-même. » Demian baissa la tête et fit quelques pas d'un air agité. « Que le diable emporte toutes les femmes !» dit-il en s'apprêtant à se coucher. « Pas toutes !» réclama Victor avec un demi-sourire. « Qu'il se contente d'en emporter une seulement. » Le lendemain, Demian, réveillé de bonne heure, il n'avait guère dormi, laissant sommeiller Victor qui n'avait pas goûté non plus un repos très réparateur, ouvrit doucement la porte du salon, entra, la referma derrière lui et se mit à la fenêtre pour aspirer l'air du matin. L'insomnie l'avait laissé brûlant et fiévreux. Le vent frais qui agitait ses cheveux sur son front lui fit du bien et calma son trouble. Pendant que, la main appuyée sur le bord de la fenêtre, il regardait derrière la ville les cimes des montagnes s'étager presque jusqu'au zénith, il entendit une porte s'ouvrir et il se retourna brusquement, croyant que c'était son frère. C'était Hélène, qui, mue par le même besoin de solitude et de fraîcheur, quittait la chambre où dormait sa mère et venait respirer l'air du matin. Elle avait refermé la porte avant d'apercevoir Demian. Trompée par les habitudes paresseuses de l'artiste, elle croyait trouver Victor au lieu de son frère. Cependant, Hélène était vaillante. Elle quitta le bouton de la porte et fit deux pas en avant. Demian s'approcha d'elle. Elle le salua d'un signe de tête. Il mit des chaises dans l'embrasure de la fenêtre. Elle en prit une et il resta debout devant elle, les mains appuyées sur l'autre. Ils sentaient tous deux que cet entretien qu'ils n'avaient pas cherché déciderait de leur existence future. « Victor m'a dit hier soir quelque chose qui m'a fait peur, » commença Demian d'une voix mal assurée. « Il craint que vous ne consentiez pas à m'épouser. Cependant hier, vous n'avez pas dit non, Hélène. Sa crainte est mal fondée, n'est-ce pas ?» Elle l'écoutait, immobile. Son petit peignoir blanc ne frémissait pas. Les mains jointes sur ses genoux, la tête un peu inclinée, elle semblait une statue de l'attention. « Hier, » répondit-elle à demi-voix, car elle ne voulait pas réveiller ceux qui dormaient à côté. « Je ne pouvais pas vous répondre. Vous avez disposé de moi sans mon consentement. Je ne vous en veux pas. C'était une vengeance que vous aviez sous la main. Vous vous en êtes servi, c'est très naturel. » « Alors, vous consentez ?» fit Demian, incertain, et ne sachant s'il devait se réjouir ou s'affliger. « Non, » fit doucement la petite Hélène en baissant la tête. Demian se mordit les lèvres et lâcha le dossier de sa chaise. Ceci le mortifiait et même lui causait du chagrin. « Je comprends très bien que vous désiriez faire croire à cette dame que j'ai consenti, » reprit Hélène, toujours calme. « Aussi, pendant le temps que nous avons encore à passer ici, peu de jours, n'est-ce pas ?»« Nous partirons demain, si vous le désirez, » répondit Demian. « Soit. Jusque-là, vous ne démentirez pas l'assurance que vous avez donnée hier de ce mariage. Mais quand nous aurons quitté ce pays, nous reprendrons chacun notre liberté, et si plus tard vous rencontrez quelqu'un qui vous demande pourquoi nous n'y avons pas donné suite, vous répondrez que nous avons changé d'idée. « Alors ?» fit Demian, bouleversé par la façon tranquille dont elle arrangeait les choses. « Vous refusez de m'épouser ?»« Vous ne m'aimez pas, » répliqua doucement Hélène, dont les joues avaient un peu pâli pendant qu'elle parlait et qui détourna son visage. Il la regarda surpris. Elle l'aimait et elle le refusait parce qu'il ne l'aimait pas. Quelle amaltière que l'âme de cette petite Hélène ! Il la regarda avec un nouveau respect. Depuis quelque temps, ce respect allait toujours croissant, et il ne parvenait pas à en trouver le bout. Puis, il se sentit blessé de ce jugement porté sur lui. Comment pouvait-elle savoir qu'il ne l'aimait pas ? « Mais je vous aime, Hélène, » reprit-il timidement, sur le ton de la prière. Elle secoua la tête avec cette douceur mélancolique qui lui donnait tant de charme. « Oh non, » dit-elle. « Vous ne m'aimez pas assez. Vous aimez qu'on vous aime, Demian. Et vous n'aimez pas vous-même. » Il sentit qu'elle disait vrai, mais dans ses paroles il trouva un nouvel espoir. « Si vous m'aimez un peu, je vous aime plus que vous ne le pensez. Nous pourrons cependant être très heureux. » Elle fit un geste négatif. « Vous serez très heureux, » dit-elle. « Vous m'aimerez juste assez pour revenir au logis toutes les fois qu'on vous aura fait du chagrin ailleurs. » Vous serez content de trouver vos effets en ordre, vos tiroirs rangés, de bonne musique pour vous distraire, un bon accompagnement, pas trop bon cependant. Vous n'aimez pas qu'on vous accompagne trop bien, Demian, et quand vous serez reposé, content, rassuré, vous retournerez dans le monde faire la cour à quelques princesses. Vous seriez très heureux, Demian, et moi je serais très malheureux. » Le jeune homme avait rougi, de honte d'abord, de colère ensuite, il se contint cependant. « Comme vous connaissez la vie, » dit-il avec amertume. « Mais ne craignez-vous pas qu'à tant vous préoccuper de votre bonheur, vous ne deveniez une parfaite égoïste ?»« Égoïste ?» répondit-elle en souriant. « C'est un mot que nous partagerons ensemble, si vous le voulez bien. Et ne voyez-vous pas quelle singulière union serait la nôtre ? Nous nous querellons sans cesse. »« Depuis quelque temps, c'est vrai, » répliqua Demian. « Autrefois, nous étions d'accord. » « Parce que je cédais, » fit doucement la petite Hélène. Et pourquoi ne cédez-vous plus maintenant ?» Elle rougit. C'est depuis qu'elle l'aimait qu'elle lui tenait tête, depuis qu'elle espérait le voir un jour, digne de l'amour qu'elle lui donnait d'avance si généreusement. « Parce qu'on ne cède qu'aux enfants et aux faibles, » dit-elle. « C'est une preuve d'estime que de lutter avec ceux qui se trompent. C'est moi qui me trompe. Vous vous êtes trompé au moins une fois, quand vous avez cru que j'accepterais votre nom. » Demian était vaincu. Il est toujours dur d'être vaincu, mais la première fois plus que toutes les autres. « Alors vous refusez définitivement, » dit-il, triste et humilié. Elle fit un signe de tête. « Pour toujours. » Ici, elle se sentit faiblir. Pour toujours, c'était bien cruel. Si elle allait le décourager, le rejeter dans de nouveaux périls, elle rougit, et malgré elle, ses yeux se remplirent de larmes. Il lui prit la main avec une véritable tendresse. Combien lui devenait plus cher à mesure que ce refus était plus net et plus certain. À la pensée qu'elle pouvait s'éloigner, qu'il pouvait perdre toutes les joies domestiques dont elle lui avait fait ironiquement le tableau l'instant d'auparavant, il se sentait pris d'un regret qui ressemblait beaucoup à de l'amour. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix brisée, « ce qui pourra arriver plus tard. » Il s'assit auprès d'elle, gardant dans la sienne la petite main froide et tremblante de la jeune fille. Puisqu'elle le refusait, il se séparerait, il perdrait le charme de sa présence. Ses yeux calmes et intelligents, qui devinaient si bien ses pensées, avaient mis tant de joie dans sa vie. Elle voulut retirer sa main, il la retint. Elle détourna la tête, mais trop tard. Une larme venait de tomber sur sa robe et Demian l'avait vue. « Vous pleurez, Hélène, » lui dit-il, sentant une chaleur douce lui monter du cœur au cerveau, et devenant plus hardi qu'il ne s'en fût cru capable auprès de cette jeune fille si nulle jadis pour lui. « Vous pleurez parce qu'il vous en coûte de vous séparer de moi. C'est vrai, n'est-ce pas, vous m'aimez. Pourquoi voulez-vous refuser le bonheur qui vient à vous ?» Elle arracha sa main de celle du jeune homme et le regarda en face, ne cherchant plus à cacher les larmes qui ruisselaient sur ses joues. « Oui, vous avez raison, » dit-elle. « À quoi bon mentir ? Et je ne sais pas mentir. Oui, je vous aime. Je vous aime plus que ma vie, plus que mon bonheur. Et c'est pour cela que je ne vous épouserai pas. Je ne veux pas en arriver un jour à vous haïr, à vous mépriser, peut-être. Je vous mépriserais si vous étiez pour moi l'époux que vous m'avez offert d'hier soir. Un homme qui m'aurait prise par dépit, par colère, pour sortir d'un mauvais pas, et qui me mépriserait, moi, pour l'avoir accepté, sachant qu'il ne m'aimait pas. Si je vous acceptais aujourd'hui, Demian, vous penseriez que je n'ai pas pu résister à mon amour pour vous, que j'ai pris le bonheur d'être votre femme au-dessus de mon honneur, de ma dignité, de mon avenir tout entier. Non, je vous aime, et je ne vous épouserai pas, tant que vous n'aurez pas pour moi l'amour que je vous porte, et qui met l'estime de celui qu'on aime au-dessus de toutes les choses de ce monde. Hélène, s'écria Demian, bouleversé, saisi d'admiration pour le caractère qui se révélait ainsi. « Vous serez aimé comme vous le voulez, je vous le jure. Ah, je ne vous connaissais pas. » « Je le sais bien, » dit-elle, en revenant à la douceur mélancolique qui lui était familière. Elle essuya ses yeux avec la manche flottante de son peignoir et regarda distraitement par la fenêtre. « Mais je vous connais maintenant, et je vous aimerai. Chère Hélène, une prière seulement. Ne nous quittez pas. Permettez-moi de continuer à vivre auprès de vous, à apprendre par votre exemple tout ce que j'ignore de mes devoirs, et plus tard, peut-être. Oui, n'est-ce pas ?» Hélène avait beaucoup lutté, elle était lasse, elle céda. « Allons à Moscou, » dit-elle, « là, nous nous séparerons. Nous verrons, n'est-ce pas ? Ce n'est pas votre dernier mot. Nous verrons, » dit-elle. Il baisa la main qu'il avait reprise, et si Cléopâtre avait pu le voir, elle eût été blessée au cœur. Car jamais il n'avait témoigné auprès d'elle un respect aussi profond, une tendresse aussi grave. « Nous n'en parlerons à personne, » dit la jeune fille. « Maman ne sait rien, elle l'ignorera toujours. »« Pas toujours, Hélène, » implora Demian au moment où elle passait devant lui. Elle sourit faiblement et rentra dans sa chambre. « C'est un ange, Victor, » dit notre ami en trouvant dans la sienne son frère tout habillé qui attendait avec inquiétude la fin de leur entretien. « Tu as entendu ?»« Tu parlais assez haut. »« Oui, c'est un ange. »« Il n'y avait que toi pour ne pas le savoir. »